Chapitre 7 Dans le cabinet du président du conseil. Escander ne se trouva pas à la gare. Germaine monta dans son train, un peu chagrine. Elle aurait voulu revoir ce grand jeune homme aux yeux clairs, à la parole franche et sympathique, et son voyage en fut attristé. De son côté, Escander, trop occupé à la rédaction d'un article sensationnel, avait laissé passer l'heure. Mais s'il en éprouva un moment de mauvaise humeur, il l'oublia vite à l'idée du bruit qu'il allait faire. À 7 heures, il porta son papier au rédacteur en chef. « C'est extraordinaire, » dit celui-ci après avoir lu l'article. « Mais vraiment, mon cher Escander, le romanesque y tient une place trop grande, et mon avis est que cette petite fille prend ses rêves pour des réalités. » « C'est justement ce que disaient les Troyens à propos de Cassandre, » fit Escander. Le rédacteur en chef fut légèrement vexé, mais comme il tenait essentiellement à son collaborateur, il n'en fit rien voir. « Soyez tranquille, votre article passera. » « Mais je tiens à ce qu'en 2 lignes vous dégagiez la responsabilité du journal. De plus, je vais téléphoner à l'intérieur pour savoir quelle opinion ils ont sur cette affaire. » Escander eut un geste qui pouvait être de consentement ou de pitié, tandis que le rédacteur en chef décrochait l'appareil. « Donnez-moi l'intérieur, cabinet du président du conseil. » En attendant la communication, il interrogea Escander sur la jeune fille. Celui-ci en parla en termes assez froids, mais cependant le sautaire, qui n'était pas un nigaud, eut un léger sourire. À ce moment, la communication fut donnée. « C'est vous, monsieur le président. C'est le sautaire qui parle. »« Bien, merci. »« Dites-moi, Escander m'apporte un article extraordinaire à propos d'une jeune fille que vous avez reçue ce matin. »« Comment ?»« Ah oui, il s'agit d'un savant qui aurait trouvé... » Vous y êtes bien. Le sautaire se tut, on n'entendit plus que le grésillement du téléphone. 4 ou 5 minutes après, le rédacteur en chef raccrocha l'appareil. Mon cher, dit-il à Escander, votre article ne passera pas. Le ministre trouve que, à l'heure actuelle, il est dangereux d'énerver l'opinion publique. Il désire vous voir personnellement. Allez-y ce soir. Escander froidement reprit ses feuillets, les plia et les mit dans sa poche, puis. Je vais vous demander 2 choses. Lesquelles ? Un crédit de 600 francs par mois au bénéfice d'une personne que je désignerai, cela pendant 6 mois. Secondement, sans nuire à ma besogne quotidienne, la faculté de suivre cette affaire à mes risques et périls, bien entendu. Allons, dit le sautaire, quel terrible homme vous êtes ! Accordé. Mais peut-on savoir quelle est cette personne ? On ne le peut pas, pas encore du moins. Et vous n'avez que l'intérêt du journal en vue ? Lui seul me guide. C'est entendu. N'oubliez pas d'aller voir le ministre. Au revoir. Le ministre de l'Intérieur et le journaliste avaient été camarades de lycée et se tutoyaient. Escander se présenta à 10 heures au cabinet du ministre. J'ai demandé à te voir pour m'excuser d'abord d'avoir coupé les ailes à ton dangereux canard et pour te mettre au courant de certaines choses que tu as intérêt à connaître, mais dont tu ne dois pas parler. « Dis-moi, ne crois-tu pas qu'il serait temps d'agrandir le boisseau sous lequel vous faites de la politique ?»« Tu es furieux, ça passera, si tu faisais de la politique. » Escander haussa les épaules. « Je la ferai au grand jour. »« Tu vas voir que non. L'Angleterre, avec qui nous avons parti liés, a suggéré l'idée de réunir une grande conférence internationale afin de mettre en commun les moyens de résistance aux ordres et aux méfaits des Rajisrak. Tu vois que la chose est d'importance ?» et qu'il est inutile, sinon dangereux, de la crier sur les toits. Cette conférence est sur le point de se réunir. Tu seras avant tout autre tenu au courant. Je te dois cette compensation à cause de ton article que le sautaire, sur ma demande, ne fera pas paraître. Mais crois-moi, ta jeune voyante est troublée par le souvenir de Jeanne d'Arc. Le temps n'est plus où les quenouilles se changeaient en épées. Laisse cette jeune personne tranquille et prépare-toi à boucler tes malles. C'est une leçon, un conseil, un avis ? Demanda le reporter. Ce n'est rien de tout cela. Au reste, tu feras ce qui te plaira. Mais dès maintenant, je vais demander à le sautaire de ne plus rien publier sur les Rajisrak, que des informations pures. Bon, veux-tu me rendre un service ? Tout ce que tu voudras, à condition que ce soit dans mes moyens. Escander sourit. Ça, mon vieux, dit-il, c'est dans tes moyens. À moins que. Donne-moi un mot pour le ministre de l'Instruction publique. J'ai besoin de faire mettre quelqu'un en disponibilité. Le ministre prit une plume, écrivit deux lignes, puis releva la tête. « Le nom, dit-il ? » « Quel nom ? » répondit Escander avec candeur. « Le nom de la personne, homme ou femme, que je dois mettre en disponibilité. » « Malin ! Laisse le nom en blanc, j'en ferai mon affaire. » Le ministre, cependant, voulait avoir le dernier mot. « Mais enfin, pour combien de temps ? » « Illimité. » « Sans solde, naturellement. » « Pourquoi naturellement ? La République est-elle si pauvre qu'elle ne puisse payer 250 francs pendant, mettons, 6 mois, à une personne, homme ou femme, qu'un charretier en demande à son cheval depuis que cette personne, homme ou femme, a eu la malchance d'entrer dans l'administration ?» Le ministre fut vexé. D'un trait rageur, il signa et tendit le papier à Escander. « Voilà, c'est tout ?»« C'est tout, merci, au revoir. » « Au revoir. Tu es toujours fâché ?»« Au contraire, très heureux, sincèrement, je t'assure. » Et Escander s'en alla. Dehors, il alluma un excellent cigare, ce qui, chez lui, était la marque d'une satisfaction parfaite. De son côté, le ministre fut assez satisfait de l'issue de cette entrevue qu'il redoutait un peu. Il connaissait Escander, il le savait chatouilleux et assez rude quand il attaquait quelqu'un ou qu'il défendait une opinion qu'il savait fondée. Tout était donc pour le mieux. À Provins, Germaine Laurière attendait. Le monde ne contenait rien de ce qu'avait annoncé Escander. Un doute affreux traversa l'esprit de la jeune fille. Avait-elle été la dupe de cet homme à qui elle s'était confiée ? Pendant 3 jours, elle fit acheter le monde, et pendant 3 jours, celui-ci lui apporta une nouvelle déception chaque matin. Mais ce 3e jour, un petit télégraphiste lui remit une dépêche. Elle était laconique. « Me présenterai chez vous à 2 heures, Escander. » Un soupir de soulagement détendit la poitrine de la jeune fille. Elle montra la dépêche à sa mère, et les deux femmes, en proie à des sentiments divers, attendirent avec impatience la venue du jeune homme.